je t'aime. Mon problème, c'est que je t'aime. Ma crise à moi, elle est pas financière. Ma crise à moi, elle est pas bancaire. Ma crise à moi, elle est pas financière. Ma crise à moi. Ma crise à moi, elle est pas financière.